actuelle dont l'influence est de plus en plus grande sur notre existence. Voici réalisé par Paul Castan, Inter, Paul Sarrez, actualité. Le progrès et la vie. Rendez-vous à 5. Les années 60, une émission de Philippe Garbi et Annie Douel. Aujourd'hui, 1964, première émission. Comment qualifier cette année ? Année japonaise, c'est un peu excessif. Certes, il y a les Jeux Olympiques. Certes, lors d'une prochaine émission, nous partirons à la découverte de Tokyo en compagnie d'Étiamble. Étiamble qui venait de publier « Parlez-vous franglais ?». Une évocation de Tokyo par ses bruits et musiques, son marché aux poissons, les cris des marchands de nouilles, les sirènes d'incendie. Mais aujourd'hui, les jeunes Français et l'alcoolisme. La sortie du film de Bergman, Le Silence, une traversée en solitaire d'un marin français, Tabarly bien sûr, des Barbouzes, une émission de télévision qui filme et piège l'homme et la femme de la rue, Brel qui commente les chansons des yéyés, etc., etc. Bref, une année comme les autres. Enfin non, précisément, sinon il n'y aurait pas matière à se plonger des heures durant dans vos souvenirs ou dans ce qui va devenir, durablement et quel que soit votre âge, vos souvenirs. Et pour commencer, un peu de science-fiction, qui n'en était pas mais qui était de l'actualité toute fraîche, l'avenir technologique envisagé il y a plus de 50 ans. Charmant et désuet. À Stuttgart, l'autre jour, IBM France et IBM Allemagne présentaient leur dernière petite merveille, un bébé machine à calculer, ultra rapide, dimension celle d'un meuble. C'est-à-dire que l'électronique se met à la portée de l'entreprise moyenne. Et il y avait aussi autre chose, l'ordinateur électronique qui répond au téléphone, oui, au téléphone. Un spécialiste explique d'abord à Frédéric Christian ce qu'on peut attendre de la machine et comment elle fonctionne. Ensuite, vous entendrez sa voix, la voix de la machine qui parlera en français, en anglais, en japonais. Pour un exemple concret, je suppose à Paris un très gros ordinateur dans une très grosse ou une entreprise moyenne d'automobile, et puis des concessionnaires répartis dans toute la France simplement. Bien, un concessionnaire a de temps en temps, tous les jours, des problèmes. Il lui manque une pièce d'un carburateur. Qu'est-ce qu'il va faire? Il décroche son récepteur et, suivant un code, eh bien, il va tout d'abord faire un numéro d'appel qui va le mettre en liaison directe avec l'ordinateur central. L'ordinateur qui est à Paris reçoit donc cette question, se trouve en contact avec celui qui l'appelle, et celui qui l'appelle continue au cadran à poser un certain nombre de questions. La mémoire centrale de l'ordinateur va fabriquer en somme de la parole, et cette parole va suivre son fil téléphonique pour arriver à la personne qui a posé la question. Toutes les applications sont envisageables. On peut imaginer qu'un élève d'une grande école peut téléphoner à l'ordinateur qui se trouve dans sa faculté pour lui demander un certain nombre de renseignements sur un problème qu'il est en train de traiter. Ça peut être donc tout un tas de choses. Nous allons tout de suite écouter cette machine. Il me suffit d'appeler son numéro avec le poste téléphonique qui m'a servi tout à l'heure pour vous appeler. Bon, je vais d'abord faire donc le numéro 472, ce qui me met en liaison directe avec l'ordinateur central à Paris. Maintenant, je vais poser une question relative au stock. Eh bien, je sais que le code, c'est 12. Donc, je fais 12 sur mon cadran. Maintenant, je veux poser la question relative à une pièce bien précise, la pièce de carburateur dont je vous parlais tout à l'heure, qui porte le numéro 6578. J'effectue donc, sur mon cadran, 6, 5, 7 et 8. Dernière question, je peux éventuellement avoir cette réponse dans une langue différente. Je veux l'obtenir en français. Eh bien, je fais un 1 au cadran. Et maintenant, nous allons certainement avoir la réponse. D'ailleurs, la voilà. IBM 1410, inventaire des pièces. Numéro d'article 6, 5, 7, 8. En stock 110110. Disponible 5051. Merci. Nous allons poser exactement la même question à l'ordinateur, mais vous voulez avoir la réponse en anglais, vous m'avez dit. Langue anglaise, code 2. IBM 1440, parts inventory, part number 6578, in Ignition start. 9180. Je pose la question en japonais, qui est le code 009. IBM 1440. Tadaoroshi. Ujin Banmo. 6, 5, 7, 8. Jaibo. 9, 1, 8, 0. Les ordinateurs, de la taille d'un gros meuble, progressent. Jazzy, qui battait des records de France et d'Europe. Jazzy, qui avait obtenu une médaille d'argent aux Jeux Olympiques de 1960. Jazzy sera-t-il champion aux Jeux Olympiques de Tokyo ? Les ordinateurs parlent, ils sont même trilingues, mais le son entre Tokyo et Paris n'est pas excellent. Alors, tendez l'oreille, car l'émotion est là. On revient maintenant, Jazzy est en tête à la cloche. C'est la cloche, la dernière tour, c'est libre. Jazzy résiste à la première attaque de Bitton. Jazzy est en tête à 357 de la ligne d'arrivée. Bitton, il emporte le sud. Zellinger revient, Jazzy accélère. Jazzy a démarré, Jazzy est parti. Plus que 300 mètres, Jazzy a 2 mètres d'avance. Il a le temps de son avant. Seul Norfort se suit, mais Norfort est à 2 mètres. Plus que 250 mètres. Jazzy est en tête, Jazzy a 3 mètres d'avance sur Norfort à l'entrée du virage. Jazzy va-t-il gagner? Allez, Jazzy! Allez, Jazzy! Jazzy a 5-6 mètres d'avance. Zellinger revient, non, Jazzy révise, il se retourne, Zellinger revient, mais Jazzy est toujours en tête dans la ligne droite, Zellinger le passe, Jazzy est battu, c'est Schulz qui a gagné, alors que je vous disais qu'il était battu, Schulz a gagné en 14-19, Jazzy a bien démarré, mais c'est l'Américain Schulz qui a gagné, deuxième Norfort, troisième l'Américain Zellinger, et Michel Jazzy est quatrième, évidemment, c'est une très grande déception. Beaucoup trop, je crois, surtout que j'ai pris le départ des 5000 mètres dans les derniers trophées et après tous les espoirs que nous avons eus sur certains athlètes, ça ne s'est pas réalisé et sur la fin j'étais un peu contracté. Peut-être que si ça s'était passé dans les bonnes conditions atmosphériques, ça aurait été différent, mais enfin, c'est du passé. Je sais que vous ne cherchez pas à systématiquement des excuses, mais il faut tout de même reconnaître que les conditions atmosphériques tout le monde lui-même. Exactement, pour tout le monde lui-même, mais cette nuit, je n'ai pas du tout bien dormi et je me suis aperçu ce que c'est la solitude. Retour en France. André Malraux inaugure la Maison de la Culture de Bourges. Extrait de son discours. Interactualité. Mesdames et messieurs, d'abord, merci d'être là. Il faut que vous compreniez bien que ce qui se passe ici est une certaine aventure, probablement dans le monde entier. Je dis que c'est une aventure dans le domaine de l'esprit, parce qu'il faut que l'on comprenne bien que le mot « loisir » devrait disparaître de notre vocabulaire commun. Oui, il faut que les gens aient des loisirs. Oui, il faut les aider à avoir les meilleurs loisirs du monde. Mais si la culture existe, ce n'est pas du tout pour que les gens s'amusent, parce qu'ils peuvent aussi s'amuser peut-être bien davantage avec toute autre chose et même avec le pire. Et ce qu'on appelle la culture, c'est l'ensemble des réponses mystérieuses que peut se faire un homme lorsqu'il regarde dans une glace ce qui sera son visage de mort. Ah, les maisons de la culture. Il y avait aussi, plus modestes et plus nombreuses, les maisons des jeunes et de la culture. Précisément les jeunes. Les années 60, sans doute toutes les décennies cela dit, les années 60 les adorent les jeunes, les craignent, les observent et les font parler. De tout. Ou presque. On attendra les années 68 et 69 pour parler de sexualité. En 1964, une émission de France Culture les interroge, ces jeunes, sur leur rapport à l'alcool et à l'alcoolisme. Jeunes témoins de notre temps. Une coproduction internationale francophone d'enquêtes menées par des chasseurs de sons auprès des jeunes sur les problèmes de leur génération. Production Jean Thévenot et Henri-Vincent Dulaurier, avec le concours de Marthe L'Hôpitalier et Claude Dufour. Présentation Jean Thévenot. Aujourd'hui, l'alcoolisme. L'alcoolisme, une vieille histoire du temps de Zola, une simple rengaine de dame patronesse et de ligue de vertu. D'ailleurs, c'est bien connu, les jeunes aujourd'hui ne boivent plus que des jus de fruits. Oui, c'est bien connu, mais est-ce tellement sûr? Et puis, il n'y a pas que les jeunes et on ne reste pas toujours jeune. Écoutez bien Jean-Claude, 17 ans, employé dans une cartonnerie à Troyes. Questionné par Pierre Guérin, il avait commencé par nier les méfaits de l'alcoolisme. Oh, c'est du ragot. C'est du ragot. Donc les jeunes ne boivent pas d'alcool? Ils en boivent comme ils ont une fête ou, je sais pas moi, une cérémonie. Autrement, couramment, non, ils en boivent pas. Ils boivent une bière, si, mais ils ne boiront pas un gros rouge. Pour des jeunes qui ont des ressources modestes, ils ne peuvent pas se permettre de se payer Martini Gin ou Marie Blizzard qui valent très cher. Alors ils boivent un petit cola ou un Coca-Cola. Tenez, je prends un exemple. Dimanche dernier, mon frère était en permission. Il nous a payé une bouteille. Bah, je crois qu'on pouvait boire une bouteille entre 6. Une petite bouteille de 75 centilitres. C'est pas ça qui nous a remis tous en état d'ébriété. Mais est-ce que la propagande anti-alcoolique joue un rôle, à ton avis? Oui. Vous avez déjà un automobiliste qui boit moins pour les accidents. Oui, ça joue, ça. Ça joue beaucoup. Même les jeunes qui ont des mobilettes, ça joue beaucoup. Comme vous voyez des fois à la radio que le speaker annonce, un homme alcoolique a tué une enfant ou en état d'ébriété a renversé une personne sur la route, a été incarcéré. Beaucoup déjà craignent l'accident. Et puis les méfaits, et puis après les suites. Certains jeunes ne boivent pas. C'est que des fois, ils voient leur père rentrer ivre, puis taper sur la femme ou alors démonter tout dans la maison. Il y en a dans ton quartier, par là des... Il y en avait un, mais maintenant il est en prison. Il a commis un meurtre, bien sûr, je ne savais pas trop ce qu'il faisait, mais c'est une chose qu'un garçon de 10 ans... Comme il voit ça, c'est le dégoût. Il dit, je ne boirai pas. Ou un jeune de 18 ans qui essaye d'aider sa mère contre l'ivriété de son père. Bah, comme votre père est rentré ivre, puis qu'il vous file une dégelée pour un rien, puis que vous avez une marque ou que vous avez passé un bon petit séjour dans une clinique, vous dites, bah, il ne faut pas boire, on voit les résultats. Il y a les causeries dans le quartier qui disent... Oh, à leurs autres fils ou filles, faut pas aller chez eux, son père c'est un ivrogne, toi tu prendras le pli, je veux pas que tu y ailles. Vous avez déjà ça aussi. Les méfaits de l'alcoolisme, c'est du ragot. Peut-être est-ce parce qu'il faut d'abord s'entendre sur les mots. Où finit l'alcoolique, on le sait, mais sait-on où commence l'alcoolisme ? En d'autres termes, comme Paul Robert a bien fait de le demander à ses amis de Sarcelles, Gérard, Rosemary, Hervé, Pierre, Josiane et Alain, qu'est-ce que l'alcoolisme ? L'alcoolisme, ça... on commence par boire un verre, deux verres, et puis etc. Ça continue, quoi. Mais l'alcoolisme, je n'appelle pas alcoolisme celui qui boit quand même un verre tous les jours de vin, parce que je crois que l'homme est obligé de boire, avoir son quart de vin tous les jours, parce que c'est nécessaire. Mais en faire excès, non, c'est de l'alcoolisme. Boire 2 litres par jour, c'est être alcoolique? Ça dépend. Il y a une certaine mode qui fait que dans un milieu, on va s'enivrer au whisky. Et puis, on va tout simplement se cuiter au gros rouge dans un autre. Je ne pense pas que, par exemple, boire un apéritif ou même boire du vin à la maison, ce soit de l'alcoolisme. Non, je ne pense pas. Alors, les limites pour que ça ne soit pas d'alcoolisme? Les limites, ça, c'est... chacun se les fixe. Chaque personne a une certaine façon de supporter l'alcool. L'alcoolisme se situe à l'échelon individuel. À chaque travail physique, surtout, par exemple, un bûcheron peut boire 2 litres de vin sans que ça le fatigue. Vous voulez combien? Bah même, je sais pas moi, 4 litres de vin une journée par exemple. Oh, t'es malade. Ça lui fera rien mais du c'est tout. C'est pas possible, mais tu te rends compte tous les degrés qu'il avait. Mais on s'en rend pas compte, même quand on boit de la bière, on est alcoolique. Enfin, c'est... si je regrette, ça peut devenir de l'alcoolisme si. La bière, vous savez que la bière contient autant de degrés d'alcool que le vin. Ça vous est jamais arrivé d'être fatigué? Eh bien, moi, personnellement, ça m'est arrivé d'être fatigué, en plein travail, etc. Et comme je suis garçon de salle, il m'est arrivé d'avoir une bouteille de vin à côté. Or, je prenais un ou deux verres de vin, eh bien, je reprenais le dessus, puis je faisais mon travail. Ça fortifie quand même, mais en abusé, c'est l'alcoolisme. Les jeunes boivent plus d'alcool qu'il y a 10 ans. Je m'en rends compte qu'il y a une augmentation. Sur le vin, oui, puis alors sur le rica, et puis les alcools fortes. À partir de quel âge alors, que vraiment les gars commencent à boire de ces alcools? 17 ans, j'en connais même qui ont 14 ans, 15 ans. J'ai travaillé sur les foires et c'était pratiquement journalier ça. J'ai mon cousin qui est dans la police et en moyenne tous les week-ends, il ramasse une vingtaine, trentaine. De gars, oui, gars et filles. Un dimanche, j'étais de service sur les autoscooters. Tous les quarts d'heure, 20 minutes, le panier à salade arrivait et emmenait une dizaine de jeunes. Les faits étant acquis, et aussi les définitions et les distinctions nécessaires, peut-on savoir par les jeunes si, dans le monde où nous vivons en général et dans leur génération en particulier, l'alcoolisme est en régression ou en progression? À Sarcelles, réponse nuancée. Dans le monde, recul, mais dans notre pays, je pense qu'il y a une recrudescence par la multiplication des cafés. Il n'existe plus de multiplication des cafés puisqu'ils ne délivrent plus de licences pour les nouveaux cafés. Les cafés qui veulent s'établir sont obligés d'acheter les licences à des anciens cafés. Il y a 10 ans dans l'Est, mon père était médecin de campagne dans l'Est et il voyait très souvent, par exemple en hiver, pendant les grands froids, que les parents donnaient une bolée d'eau de vie aux enfants pour qu'ils tiennent bien le coup, pour que ça les réchauffe. Penses-tu que maintenant ça diminue? Oh, bien sûr ça diminue, parce que quand même, il y a la propagande, tout ça, et puis non, c'est pas possible. Oui, c'est ça, on sait bien maintenant que les enfants, la santé des enfants est complètement fichue en l'air pour ça. Les jeunes boivent beaucoup moins. Beaucoup moins. D'abord parce qu'il y a il y a beaucoup plus de jus de fruits, et puis dans des prix plus raisonnables. Oh, et ça c'est encore prévu, hein, parce que moi je trouve que le vin n'est pas cher et les jus de raisin sont très chers. Alors là, il y a un progrès à faire, mais enfin... Maintenant c'est rentré dans les mœurs, un jeune ne va pas rentrer au café dire « je voudrais un rouge ou un canon ». Ça, il dira jamais ça. De toute façon, même aux yeux de copains ou de filles, un jeune qui est sous, ben, c'est vraiment le gars qu'on délaisse. On a une opinion de lui qui est très basse. Dans le monde ouvrier, c'est ça, qu'on boit parce que ça, il faut boire. Qu'on emmènera le jeune apprenti au café parce que c'est nécessaire, c'est le baptême de l'alcool, alors crac, il faut qu'il boive. Et souvent, on voit souvent des accidents comme ça d'alcooliques, des gens qui se font prendre des mains dans des machines parce qu'ils n'ont pas le réflexe. Dans la région lilloise, en milieu ouvrier, et devant le micro de José Alès, il y a beaucoup moins d'alcooliques, parce qu'avant, on allait dans les taudis, on s'entassait les uns sur les autres dans les caves, etc. Les ouvriers... Pour s'évader, aller boire au bistrot du coin. Vers 1890-1900, il a commencé à avoir toutes les machines dans les usines. Alors beaucoup d'hommes ont été licenciés, il n'y avait plus de travail manuel, et ils passaient leur journée au bistrot, quoi, au cabaret, comme on dit. Il y a beaucoup moins de jeunes qui boivent. C'est parce qu'il y a eu beaucoup d'inventions telles que la limonade, Coca-Cola, tout ça, quoi. C'est tout des boissons non alcooliques qui remplacent le vin pour les jeunes. Et qui ont autant d'attrait, oui. Ça dépend aussi s'il y en a pas l'habitude chez lui ou pas. Parce que si un gars qui a, à partir de 8 ans chez lui, un demi-verre de vin, par exemple, tous les soirs, après, quand il est plus grand, il y a un verre, ben, ça le pousse à l'alcoolisme. Il garderait plutôt son argent pour faire un billet électrique, par exemple, que boire un verre d'alcool. Il y en a beaucoup qui préfèrent, par exemple, aller au cinéma, les plaisirs, la boisson. Selon la mode actuelle, ça paraîtrait vulgaire à un jeune d'aller boire son verre de vin au café, alors qu'un homme d'un certain âge, ça fait bien, quoi. C'est toléré. Toléré, oui. Vous ne le critiquez pas pour ça, l'homme, non. Non. Le jeune qui... Il y a le contraire aussi, parce que l'homme qui irait boire une limonade, ça serait plutôt drôle. On s'attendrait plutôt à ce qu'il boive un verre de vin. Come gather round, people, wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone, for the times, they are a-changing. writers and critics who prophesize with your pen. And keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin. And there's no telling who that it's naming. For the loser now will be later to win, for the times, they are a-changing. Come, senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't block up the hall. For he that gets hurt will be he who has stalled. The battle outside is raging. It'll soon shake your windows and rattle your walls. For the times, they are a-changing. Come, mothers and fathers throughout the land, and don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly fading. Please get out of the new one if you can't lend your hand. For the times, they are a-changing. The line it is drawn and the curse it is cast. This slowest one now will later be fast, as the present now will later be past. The order is rapidly fading, and the first one now will later be last. For the times, they are a-changing. En 1964, les temps changent. Les enfants boivent, certains, et les parents mangent, tous. Depuis des années, ils se passionnent pour le duo parfaitement huilé du chef Raymond Oliver et de la speakerine Catherine Langeais. Pour l'émission de télévision Art et magie de la cuisine, installée au salon des arts ménagers, derrière une vitre, face à des badauds sans doute affamés, Catherine Langeais et Raymond Oliver proposent une recette sucrée. Les oranges, surprise. Mais l'essentiel n'est pas la recette. En fait, que vous n'entendrez pas en intégralité, c'est le charmant numéro des deux compères. Et, me semble-t-il, le bruit du batteur qui monte les blancs en neige. Il évoque le son d'un projecteur de film de famille. Alors voyez-vous, je fais couler comme ceci ce beurre fondu tout le long de la coque. Dans des écorces. De l'écorce, la coque de cette orange. Pour bien beurrer l'intérieur. Du beurre. Du beurre, tout simplement, du beurre fondu. Elles sont énormes, ces oranges, c'est quoi? Elles sont belles. Vous préconisez aussi une race spéciale? Non, j'y connais rien. Alors, si je vous dis quelque chose, je sais qu'il y a des noms d'oranges qui sont sacro-saints, mais je ne les connais pas. Si nous n'étions séparés de notre charmant public par une vitre qui est absolument infranchissable, par le son tout au moins, on leur demanderait quelles oranges ils préfèrent. C'est ça. Eux, ils nous entendent peut-être, mais nous, on ne les entend pas. Ils entendent sûrement, mais nous, ne les entendons pas. Bon, alors ça, c'est la première opération. Elle est terminée. Oui. Nous n'en parlons plus. Deuxième opération, il s'agit pour nous de fabriquer de la meringue. Ça, on sait faire. Bon, alors, un petit bocal quelconque, un petit bol dans lequel on va mettre un 2, 3, 4, 5, 6. Non. Modestie d'abord. Blanc d'œuf. Alors, un grain de sel dans ces blancs d'œufs. Et puis, alors, avec le petit appareil là, dont nous parlions tout à l'heure, nous allons monter les blancs. Alors là, il y a un tas de petits numéros. J'ai quelques scrupules. Faites-nous le vôtre, en tout cas. Hein, faute de faire l'autre. Ah, Catherine, voyons, c'est sérieux, il y a des gens qui nous écoutent là. Pourquoi va-t-on nous prendre? Vous avez l'intention de leur faire croire que vous êtes sérieux? Oui, je voudrais, mais je réussirai jamais ça. Je me fais une raison. Alors, ces quatre blancs d'œufs, n'est-ce pas, que nous allons monter très rapidement, voyez-vous, ça monte à une allure. C'est vertigineux. Si au lieu de mettre. Si vous aviez bien mis 4 œufs au lieu d'en mettre 8. Si j'en avais mis 8, je serais sûr de manquer ma recette. D'abord que ça déborderait, et puis ensuite d'avoir une meringue qui ne tiendrait pas. Parce que voyez-vous, là, j'ai 200 grammes de sucre. Alors vous savez, la meringue, c'est 500 grammes de sucre, n'est-ce pas, pour 8 œufs. Pour 8 œufs. Là, alors ça y est, vous voyez, j'ai des blancs d'œufs qui sont montés. Et vous allez avoir la gentillesse de me verser dedans. Oui, non, là, voilà. Il y a deux caméras. Ça y est, voilà. Ici, alors, c'est ça. Là, vous voulez voir la gentillesse de verser le sucre qui est dans le plateau à l'intérieur. Là, comme ça. C'est ça. Oh, petit à petit. Oh, c'est vite quand même. Voilà, c'est ça. Pas de voilà, mollet. Pas de mollet, se disait ma grand-mère. Et c'est vrai, il y en avait bien 200 grammes. Hein. On a regardé sur cette petite balance. Je sais pas, hein. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez l'air inquiet, non? Pas la moindre petite inquiétude. Tout va très bien. Regardez ça, si c'est joli. Hein. C'est ravissant. Ah, oh, c'est ravissant, ça a des formes. Et d'ailleurs, tout est ravissant dans ce salon, je dois dire. Tout est ravissant. Oui, j'ai fait le tour du salon. Pour une fois, j'ai fait le tour du salon. Bon, alors là, j'ai de la meringue. Je voudrais vous demander, Catherine, de me donner le parfait, enfin, la glace. Voilà. Alors là, voyez-vous, cette meringue me convient parfaitement. Vous me diriez que c'est une glace à l'orange, que je ne serais pas étonnée. Vous ne seriez pas étonnée si je vous disais qu'elle était à l'orange. Eh bien, elle est à l'orange. Bon, alors ici, nous allons faire ceci comme ceci. Les oranges que voilà. Voilà. Et où, là, je colle ces oranges bien comme il faut. Comme chaque année, quand nous venons au Salon des Arts Ménagers, vous avez souvent quelques difficultés pour faire certaines choses, car il y fait dans ce studio une température que nous qualifierons de caniculaire. Tout autre sujet, les jeunes et le sexe. En 1968, en 1969, on vous l'a dit, pas avant. Ou alors le sexe au cinéma. Êtes-vous choqué par telle scène? Difficile à dire, on ne nous dit pas de quoi il s'agit et tout le monde n'a pas vu Le Silence de Bergman. Cinéma Vérité sur France Culture réunit des spectateurs, dont des jeunes. L'un d'entre eux est un inconnu à l'époque, il s'appelle Serge-Henri Moati. Serge Moati, on connaît aujourd'hui sa destinée professionnelle. Cinéma Vérité. Une émission de Roger Régent avec la collaboration de Jacqueline Adler. Lecteur Robert Martin, assistante de réalisation Michel Thierry. Nous sommes cinq autour de ce micro pour parler du Silence, le film de Bergman, et surtout de l'opportunité ou de l'inopportunité qu'il y a à montrer des films qui vont aussi loin dans l'audace. Monsieur Pierre Rostand, vous qui êtes dans la banque, donc parfaitement étranger au monde du cinéma, quelle est votre opinion sur cette question? Eh bien, mon opinion se place sur deux plans. Sur le plan esthétique, je trouve que c'est un très beau film. Il y a une photographie absolument admirable. Et il y a aussi un point de vue qui est un point de vue moral, n'est-ce pas? Parce que je crois que Bergman, si on peut parler de message de Bergman, est un message qui se situe sur le plan moral. Et alors là, je fais tout de même quelques réserves. Je me demande s'il est nécessaire, et surtout s'il est opportun, de montrer à un public qui, en tant que public, est extrêmement mélangé, qui comprend des gens de toutes origines, de toutes cultures, de tous âges, malgré la limite des 18 ans. Il est donc opportun de leur montrer des images qui risquent de les choquer. Selon quels critères basez-vous l'opportunité, monsieur? C'est monsieur Moati qui intervient et qui est un très jeune garçon qui se prépare à être journaliste dans une revue faite par et pour les jeunes. Oui, vous parlez d'opportunité. Sur quels critères vous basez-vous? Est-il normal, nécessaire, pour la parfaite jeune fille dont rêvent nos mères, d'aller voir ce genre de film? Mais justement, Bergman parle de la parfaite jeune fille dont rêvent vos mères. Oui, ben je ne pense pas que ce soit un système éducatif. Je suis peut-être très vieux jeu, bien que je n'ai que 29 ans. Je trouve que les comparaisons tant décriées, tant moquées, mais au fond très efficace de la fécondation des fleurs, était finalement aussi explicite et, mon Dieu, aussi efficace que les spectacles que nous propose Bergman. Moi, je suis tout à fait d'accord. C'est mademoiselle Pierret. C'est sans nécessité de montrer... Madame Verne, qui, elle, est professeure agrégée de philosophie, qui donc, en ce qui concerne l'enseignement et l'éducation de la jeunesse, est mieux placée que quiconque pour nous répondre. Mais est-ce que vous êtes choquée, mademoiselle ? Oui, oui. Et vous, monsieur ? Non, absolument pas, non. Non, c'est-à-dire, ça ne veut rien dire, être choqué. Oui, être choqué, peut-être, mais c'est plaisant d'être choqué. Il faut être choqué devant une œuvre d'art, sinon on n'a qu'à la jeter au panier ou la regarder chaque soir devant son lit avant de se coucher. Enfin, il faut être un peu choqué. Et Bergman a réussi. Je crois que c'est tout de même un film de Suédois, n'est-ce pas ? Et un Suédois a, il en a du moins la réputation, l'habitude de traiter certains sujets d'une manière qui, pour nous, latins, risque de nous choquer. N'est-ce pas ? Je ne dis pas que ce film est peut-être parfaitement admissible pour la jeune fille suédoise, je n'en sais rien d'ailleurs, mais je suis heureux de voir mon opinion un peu confirmée par mademoiselle Pierret. Vous parliez, n'est-ce pas, tout à l'heure de ce beau scandale qui me ravit et me choque, et me ravit parce qu'il me choque. Oui. Très bien, mais en tant que garçon, je ne suis quand même pas si vieux, j'insiste, n'est-ce pas ? Bien sûr, c'est merveilleux, l'émotion, l'aventure, il y a un certain plaisir, un certain goût du scandale. Je crois que c'est parfaitement masculin, oui. Et je crois que ça n'est pas tellement féminin. Je demande à Madame Verne, qui est professeure, et qui a certainement... enseigner dans des classes de filles et dans des classes de garçons, si elle n'a pas senti cette différence qui, à moi, m'a été racontée maintes fois lorsque j'étais en Cagne, des réactions qu'avaient les professeurs vis-à-vis de leur classe. L'enseignement était le même, l'âge des sujets était le même, mais mon Dieu, c'était d'un côté des garçons et de l'autre côté des filles. Et les uns prenaient un certain plaisir, je parle des garçons, à mon Dieu, appeler un chat, et X un fripon, les jeunes filles, je crois que ça n'était pas tout à fait pareil. Non, effectivement, ça n'était pas tout à fait pareil, et je trouve ça tout à fait dommage. Je récuse tout à fait cette différenciation entre le féminin et le masculin. Je crois qu'il faut nous efforcer de plus en plus de réunir ces deux mondes que peut-être le masculin s'efforce de séparer du féminin. Je suis entièrement d'accord avec vous. Madame Michel Douce. Quand on pose un problème d'ordre général en fonction des femmes, j'y trouve un inintérêt total. Absolument. Bien sûr. Absolument de l'avis de Madame Douce. Et non, vous avez parlé tout à l'heure de scandale. Il n'y a pas question de scandale dans le film de Bergman. Ce mot ne vient à la bouche de personne. On dit que ce film nous a peut-être un peu choqués. Il ne nous a jamais scandalisés. Mais moi, je crois justement qu'il y a scandale et qu'il n'y a peut-être pas scandale dans la mesure où la sensibilité, je ne fais pas du tout de personnalité, peut être justement émoussée par cette répétition d'images de violence, par cette répétition que nous présente la presse, que nous présente la télévision, que nous présente les films, que nous présente d'ailleurs la vie quotidienne, eh bien, si l'on n'est pas choqué, je m'excuse, mais je trouve ça assez malheureux. Mais non, on est choqué quand on nous montre, par exemple, des policiers américains lâchant leurs chiens sur des noirs. Ça, on est choqué, oui. On n'est pas choqué quand on voit une femme voulant faire l'amour. Mais non, mais il y a un sens de l'humain qu'il faut avoir, c'est tout. On est choqué quand on voit des scènes de violence, des choses atroces, les camps de concentration. Là, oui, on est choqué. On est choqué dans le bon sens, mais on n'est pas choqué quand on voit une jeune femme, comme dans le film de Bergman. On est choqué parce qu'on ne nous a jamais montré ça au cinéma. Mais c'est pas... c'est tout, c'est un problème, si vous voulez, de... Nous ne sommes pas habitués, un point, c'est tout. On est passé Paris ma rose, Paris sur scène la bouclée. Son paradis en portant la clé, les nonchalants du long des quais, Paris ma rose. Où sont-ils passés, Villon et ses filles? Où est-il passé, Genelle, l'avenue? Et le chemin vert, qu'est-il devenu, lui qui serpentait près de la Bastille? Où est passé Paris la grise, Paris sur brume la mouillée? Mais paradis, Paris l'oublie, est parti sur la pointe des pieds, Paris la grise. Où sont-ils passés ceux qui fraternisent avec les murailles et les graffitis, ces soleils de craie? Où sont-ils paraît-il qui faisaient l'amour au mur des églises? Où est passé Paris la rouge, la commune des sans-souliers? C'est perdu vers Aubervilliers ou vers Nanterre, Lambourbe, Paris la rouge. Où est-il passé Clément des cerises? Est-elle fermée la longue douleur du temps où les gars avaient si grand cœur qu'on voyait que lui au trou des chemises? Où est passé Paris que j'aime, Paris que j'aime et qui m'est plus. France Culture, en partenariat avec l'INA, les années 60, aujourd'hui 1964. Vous souvenez-vous de 1964, en l'occurrence, si vous l'avez vécu? Oui et non. Eh bien, jouez à « Je me souviens ». Ainsi, vous souvenez-vous de Montboudif, du Penduic et de l'horloge parlante, un vrai tube. Vaste plage d'actualité, nous sommes en juillet 1964, pour réviser ou pour vous inventer des souvenirs. 59 minutes, 40 secondes. Au quatrième top, sera exactement 13 heures, 0 minutes. Au micro, Jean Armand Ladidi. Tabarly, Éric Tabarly, un prénom, un nom désormais célèbre. Éric Tabarly, le capitaine courageux français, vainqueur à présent certain de la course croisière la plus longue et la plus dure du monde, est en vue de Newport aux États-Unis. Newport, où il est attendu cet après-midi. Nous vivons actuellement les derniers instants de son sensationnel exploit. Exploit qui stupéfie les yachtmen de Newport qui disent « The Frenchie is the best », le petit français est le plus fort. De cela, nous vous parlerons tout à l'heure. Pour l'immédiat, c'est vers le Cantal que nous allons tourner nos regards. Depuis ce matin, M. Georges Pompidou visite cette région. Chaux-de-Aigue, Neuve-Église, Saint-Flour, Murat et, en ce moment même, Vic-sur-Serre. Cet après-midi, ce sera Aurillac. Partout, réception, présentation des corps constitués, allocutions aux maires, visite aux écoles, discours politiques, c'est le programme du Premier ministre. Nous avons un envoyé spécial, Jean-Pierre Elkabbach. Je crois que maintenant, il est en ligne. Alors, je lui cède l'antenne. À vous, Jean-Pierre Elkabbach. C'est pas du direct, hein? Eh bien non, il me semble que la liaison ne soit pas encore établie. Alors, en attendant, Michel Gouet, si vous le voulez bien, nous allons voir les autres aspects de l'actualité française. À l'Assemblée nationale, cet après-midi, quatre ministres viendront dans l'hémicycle pour répondre à sept questions orales posées par les députés. Deux questions doivent donner lieu à des débats. D'abord, M. Tomasini Vénère interrogera le ministre des Travaux publics sur notre réseau routier qu'il estime inadapté à la circulation automobile, particulièrement aux alentours des grandes villes. Le ministre chargé de la recherche scientifique devra donner des chiffres. M. Tournay veut en effet savoir quels sont les crédits consacrés à l'équipement de laboratoires de recherche contre le cancer. D'autre part, des précisions seront données par plusieurs membres du gouvernement à propos de l'attribution éventuelle aux anciens prisonniers de guerre de 1914 et 1918 d'un pécule analogue à celui qui doit être perçu par les anciens prisonniers de la dernière guerre. On parlera également de la pollution de l'air dans la région d'Alès, du financement des travaux portuaires, de la construction d'un pont sur le Rhône à Arles et enfin de la situation des chantiers et ateliers de Provence de Port-de-Boux. À l'actualité sociale, les représentants syndicaux des contrôleurs de la navigation aérienne d'Orly ont lancé un ordre de grève illimité à partir du 23 juin. Et cela pour protester contre la traduction en conseil de discipline d'un contrôleur qui avait participé à des mouvements de grève. Les syndicats CGT, CFTC et Force ouvrière de la navigation aérienne ont décidé d'appuyer les contrôleurs sur l'ensemble du territoire. Ils viennent de donner l'ordre à toutes leurs sections syndicales, c'est-à-dire à leurs adhérents de tous les aérodromes, de se joindre au mouvement. Ah, je crois qu'à présent, la liaison est établie avec notre envoyé spécial dans le Cantal, Jean-Pierre Elkabbach. Jean-Pierre Elkabbach, est-ce que vous m'entendez? Eh bien, c'est moi, en premier ministre ou en normalien, que Georges Pompidou commence son rapide voyage dans le Cantal. L'Auvergnat a retrouvé pour l'une de ses grandes tournées provinciales les paysages tendres et sauvages de son adolescence. Il retrouve les contrastes de son Cantal, situé de part et d'autre de la chaîne des Puits du Massif Central, qui garde un accès difficile et isole de ce fait une région aussi belle et sauvage que la Suisse ou l'Allemagne, par exemple. Il retrouve ses gouffres, ses gorges, ses terrasses, ses cascades de la Haute Auvergne, mais aussi ses grasses pâtures, ses bouleaux et peupliers au cœur de merveilleuses vallées. Mais Georges Pompidou a préféré éviter de passer à Montboudif, là où il a fini par devenir un héros pour les adultes. Il est monté à Paris pour réussir, disent-ils, et il a parfaitement réussi. Il a fini également par devenir une sorte d'idole pour les tout jeunes. Vous connaissez-vous le... Monsieur Pompidou? Oui. Qui c'est? Premier ministre. Où il habite? À Paris. À Paris. Où nous sommes, là? Oui. Il est déjà venu ici? Oui. Vous l'avez vu? Oui. Alors là, qui c'est qui habite là? Sa tante. Et pour voir sa tante, il ne fallait pas aller bien loin. Traverser à pied et sans difficulté la place de la Fontaine est une rue, la seule rue d'un petit village que rien ne distingue, qu'aucune carte ou aucun guide ne mentionne encore. Vous êtes madame la tante du Premier ministre, monsieur Pompidou. Madame Savagnac, la tante de monsieur Pompidou. C'est la sœur de sa mère, ça? J'étais la sœur de sa mère. Il venait tous les ans passer les vacances. Ici, il restait un mois. C'était un lycéen travailleur? Au lycée, bien oui, c'était un travailleur, mais... il n'en perdait pas la santé. Quand il vient, parfois ici, dans cette maison, est-ce qu'il revisite les lieux où il a passé certaines années de sa jeunesse? Oh, oui, il vient ici. Il mange là, dans la cuisine. Il est très simple, vous savez. Sur cette table-là? Sur cette table-là. Il couche dans la chambre où il est né. Dans le lit même où il est né. Qui n'a pas changé. Oui. Qu'est-ce que ça vous fait d'avoir un neveu que vous avez vu grandir et qui est Premier ministre? Eh bien, je suis contente, je suis fière de lui. Ce sera bien le Premier ministre qu'il y aura dans le bourg de Montboudif. Il n'y en aura sans doute pas d'autres. Je n'en vois pas d'autres. Il a rendu célèbre le coin et beaucoup de gens qui viennent ici s'arrêtent et disent où est la maison de M. Pompidou. Jacques Chabot, la presse internationale salue ce matin l'exploit du français Éric Tabarly pour sa formidable randonnée à travers l'Atlantique. Et dans ce concert de louanges, nos amis britanniques ne sont pas les derniers. Oui, tous les journaux d'outre-Manche consacrent leur colonne à Éric Tabarly. Les adjectifs sont nombreux, magnifiques, sensationnels, extraordinaires, courageux. Vous le voyez, les Britanniques, gens de mer, rendent hommage à l'un des leurs, car chez les marins, c'est bien connu, il n'y a pas de frontières. Le Times profite de l'occasion pour rappeler l'aventure d'Alain Gerbaud qui, en 1923, était parti seul de Cannes pour jeter l'ancre 4 mois plus tard à Long Island. Quant à Éric Tabarly, il a pu prendre hier soir son premier souper chaud, sa première douche et dormir enfin une nuit normale. Et il a même rasé aussi sa barbe de 28 jours. Mais avant de s'endormir, il a lu les nombreux télégrammes venus d'un peu partout, des télégrammes officiels, mais aussi des messages de marins, connus ou inconnus, qui ont tenu eux aussi à saluer son exploit. Parmi ces derniers, il faut citer Jean Gabin. Je vous lis son télégramme. Il fallait le faire. Chapeau bas, signé second maître Jean Gabin. Nous vous avons dit hier que le général de Gaulle avait fait le jeune homme chevalier de la Légion d'honneur à titre exceptionnel. Éric Tabarly a appris la nouvelle de la bouche de notre envoyé spécial Philippe Bérard, qui était venu à sa rencontre sur une vedette. Écoutez-les. Vous apprendre une bonne nouvelle, non? Oui, excellente, oui. Dites-nous-le. Je suis chevalier de la Légion d'honneur. Vous vous y attendiez? Non, pas du tout, absolument pas. Est-ce que vous attendiez à gagner cette course? Au départ, j'avais beaucoup d'espoir. En cours de route, j'ai à peu près perdu tout espoir quand j'ai cassé mon pilote automatique. Et ce matin, quand on vous a annoncé que vous avez gagné, vous avez été surpris, vraiment? J'ai été assez surpris, oui. Comment ça s'est passé, en tout, la traversée? En bonne dans l'ensemble, mais meilleur, je crois, que ce qu'on peut attendre normalement. Pas de mauvais temps? Il y en a eu, bien sûr, il y en a toujours dans ces cas-là, mais enfin, il y en a eu plutôt moins que prévu et moins de vent debout. Qu'est-ce qui vous a manqué le plus pendant cette traversée qui a tout de même duré 28 jours et 27 nuits, je crois? Oui, je n'ai pas manqué grand-chose, au fond. Alors, vous êtes un solitaire par nature? Oui, quoique je ne sois pas antisociable du tout, mais je me trouve en général assez bien seul de temps en temps. Alors comment allez-vous retourner maintenant en France? Car vous allez y retourner bientôt? Oh, probablement avec ce bateau dans quelques jours. Tout seul? Tout seul. Dans la même route? Ouais. Sans doute pas, non. Et est-ce que vous espérez faire un meilleur temps? Battre votre propre record? ferai des escales, alors ce sera plus la, ce sera plus la même chose. Alors, c'est plus une compétition, mais un voyage agrément, le voyage oui. en tour. Oui, c'est de la promenade. Bravo, Eric Tabarly. Ils avaient été Tonton et Flingueur l'année précédente. En 1964, les voici Barbouzes. Rendez-vous à 5h, ne pouvait éviter ce monument du 7e art. Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle. Voici comment se présente notre émission. Vous allez enfin voir les barbouzes à l'œuvre au cours du film de Georges Lautner. Dans certains cinémas d'exclusivité, on entend les éclats de rire des spectateurs. Ceux qui les provoquent s'appellent Lino Ventura, Francis Blanche, Jess Hahn, Bernard Blier, Charles Millot, Les Cale sont devenus 5 barbouzes enrôlés dans les services d'espionnage ou de contre-espionnage, si vous préférez. Ils parlent la langue de Michel Audiard, ce qui explique peut-être qu'ils sont drôles et qu'ils ont de l'esprit. Nous vous présentons aujourd'hui un des plus réjouissants films de l'année dans le genre policier comique et humour très noir. Le prétexte de cette cascade d'aventures et de gags incessants, c'est la mort de Benarcha, qui laisse à sa femme, l'innocente Mireille d'Arc, des secrets atomiques que vont se disputer les espions du monde entier. Ces espions sont d'ailleurs de vieux ennemis et de vieux adversaires qui se retrouvent régulièrement dans tous les mauvais coups. Lino Ventura, Francis Lagneau, travaille pour la France, Francis Blanche pour la Russie, Bernard Blier, on se demande un peu pour qui, il est d'ailleurs en chanoine, et Charles Millot pour l'Allemagne. Et tous ces personnages vont débarquer au château du défunt, chez sa ravissante veuve, sous le prétexte fallacieux d'assister aux obsèques. Voici l'arrivée de l'espion russe, Francis Blanche. Annouchka, petite sœur, dans mes bras. J'ai couru, épouvanté, transsibérien, du beau lien, je pousse dans l'avion des cris terribles. Oh! Enfin, monsieur, qui êtes-vous? Mais Boris, voyons, le presque frère. Ce pauvre cher Constantin a tété le lait de ma mère à Odessa. Ah! Odessa, je nous vois encore, nos jeux, nos chants. Laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï. Oh, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï. Oh, ah, l'odeur du goudron sur les quais d'Odessa, le vent du large dans les cheveux de ce pauvre cher Constantin. Mais je croyais qu'il était né à Téhéran. Et alors, on chante aussi bien à Téhéran qu'à Odessa, non? Oui, mais le vent du large souffle un peu moins fort, c'est à 200 bandes de la mer. Notion bourgeoise des distances. Annouchka, petite épouse de mon frère, Boris va te donner le baiser de paix. La première nuit des espions au château sera irrésistible pour le spectateur et les 4 agents secrets, eux aussi, y résisteront très difficilement. Chasse d'eau piégée, scorpion dans les lits, baldaquin orné de pointes acérées et qui tombe sur l'oreiller dès que le dormeur s'allonge, lampe de chevet explosive, telles sont les moindres gâteries que se réservent les barbouzes. Mais au petit déjeuner, chacun semble souriant et frais comme une rose. Il faut bien admettre en effet que cette nuit, quelques petits excès ont été commis. Étourderie, enfantillage, plaisanterie. Plaisanterie qui, sans être méchante, a quand même failli tuer 4 personnes, faut bien le reconnaître. J'ai été personnellement victime d'une ignoble tentative d'assassinat. Il conviendrait de l'oublier pour un temps, cher Muller. Je n'attaque pas le principe. Mais le procédé. Oui, les parents ont croqué les raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. La violence engendre la violence. C'est ça. Et qui sème le vent, récolte la tempête, etc. Et tout ça pour en venir à quoi? À ceci. La maison est confortable, la table excellente, notre hôtesse délicieuse. Pourquoi ne pas tempérer provisoirement certains réflexes? Pourquoi ne pas poursuivre cette idée de trêve évoqué un peu sommairement hier soir, qui rendrait ce séjour harmonieux. Et les jours venus, qui avertira Boris qu'elle ait rompu la trêve? Mais monsieur l'abbé lui-même, en te filant une grenade dans la tronche. Ou en glissant un scorpion dans mon lit. Oh, n'exagérons pas, on en réchappe. Pas toujours. Leonid Bochakov à Lima, et Willy Schmurt à Barcelona, ils sont restés. M'accuserait-on? Mais non, qu'est-ce que vous allez chercher là? N'empêche que dans certaines de nos écoles, le coup du scorpion est désigné aux futurs agents sous le nom du coup du chanoine. Et le coup du dynamitage du Boeing? Avec 114 activistes biloujistanais à bord, est-ce qu'il porte un nom? J'ai jamais entendu parler de ça. Et la liquidation du réseau Königsmark? 40 personnes dans du mazout en flammes, c'est rien. Enfin, faut le faire. Vous me répondrez que sur ces 40 personnes... Je ne vous répondrai rien du tout. Je ne vous parle plus. Mais à l'entrée de Mireille d'Arc, dans un impressionnant déshabillé, les Barbouzes feignent d'être les plus inoffensifs des cousins, venus tout simplement soutenir une veuve dans l'affliction. Bonjour, messieurs. Ah, quelle journée magnifique! Les jeux du soleil sur la rosée du parc ce matin étaient un ravissement. Un vrai Sisley. J'espère que le bruit ne vous a pas trop dérangé. Quel bruit? À la radio, on peut parler de tout. De théâtre, de littérature, d'alcoolisme, de sport, de barbouze. Pour la télévision, on peut poser une caméra dans la rue et tourner. Il se passera bien quelque chose. Encore mieux, on peut rendre la caméra invisible et peaufiner un petit scénario. Pour l'heure, la caméra n'est pas invisible, mais seulement insolite. Et c'est Jean Poiret qui présente ce divertissement qui fera croire à la France entière des années durant que toute situation un peu étonnante est en fait un tournage de l'émission. Donc, extrait à la radio, sur France Culture, d'une émission de télévision très visuelle. Fermez les yeux et vous identifierez, vous, Jacques Legras, en noir et blanc, dans un Paris où rares sont les voitures. Pourtant, nous sommes déjà en 1964. Nous avons dissimulé notre caméra dans notre voiture piège, installée à l'angle de la rue Galilée et de l'avenue Marceau. Jean Francel, 1m85, par-dessus sombre et toque de fourrure, va demander son chemin aux passants. À l'aide de deux ouvriers portant un tableau, une grande pancarte, un grand calicot, il va disparaître à un certain moment pour faire place à Jacques Legras, qui n'a pas du tout les mêmes proportions, qui fait lui 1m72, qui n'est pas habillé de la même manière, qui porte un chapeau et des lunettes. Les gens interrogés vont-ils s'apercevoir de la substitution des personnages? C'est ce que nous allons savoir immédiatement. Pardon, monsieur. S'il vous plaît, rue Boissière, 16e arrondissement. Près Tour Eiffel. Près Tour Eiffel, grande tour. Oui. Oui, Il faut que vous traversiez là-bas. Traversez la rue. Quelle avenue? Iéna, qui est là. C'est pas par là. Non, c'est pas. Madame, s'il vous plaît, pour rue Boissière. La rue Boissière. Dans le 16e arrondissement, oui, n'est-ce pas? Parce que je ne suis pas français. Il faut aller par... À quel endroit? C'est par là, alors. Venez, je vais vous conduire un peu. J'ai rendez-vous ici, je dois partir. Vous dites où c'est, à peu mais près? Mais oui, attendez. Ah, peut-être par là, attendez. C'est par ici. Ah, peut-être... Parce que avenue Marceau. Oui. Avenue Marceau, ça, c'est l'avenue Clébert. Boissière. Alors, c'est par ici, monsieur. Dites-moi, vous trouvez rien normal? Pardon? Vous ne trouvez rien de normal? Anormal? Oui. Mais c'est juste. Je vous ai demandé où était la rue Boissière. Oui, mais c'est juste. C'est moi qui vous ai demandé, n'est-ce pas, oui. Où était la rue Boissière? Mais pourquoi? Mais bien sûr, monsieur. Alors, écoutez, vous allez traverser là. Non, mais je voulais vous conduire jusque-là et mais, puis vous montrer. Mais vous êtes bien sûr que c'est moi qui vous ai demandé la rue Boissière? Oh, ben, bien sûr. Vous êtes sûr de ça? Mais je ne suis pas bon, monsieur. Mais vous souriez. Vous souriez, c'est très bien. C'est pour la caméra insolite. Pardon? C'est pour la caméra insolite. Vous êtes filmé actuellement. Oh, miséricorde. Dans l'état où je suis. Si seulement tu m'avais dit la vérité, nous ne serions pas sur le point de nous quitter. J'aurais toujours gardé au fond de moi l'amour que j'ai eu peur de perdre tant de fois et que l'on m'a volé. À présent, tu peux t'en aller. On veut savoir quel est votre avis sur les yéyés. Est-ce que ça va durer ou... Si j'avais un avis, ce serait un avis de mobilisation, mademoiselle. J'en pense rien. J'en pense absolument rien, étant donné que c'est vraiment autre chose, c'est de la musique de danse. Et il y a là-dedans, indiscutablement, des types qui ont du talent, ça c'est certain, mais je ne suis pas très compétent. Moi, comme j'aime pas beaucoup danser, enfin j'aime vraiment pas du tout danser d'ailleurs, ça ne m'excite pas, et ça ne me fait absolument rien. Enfin. Et alors il raconte des histoires, comme texte, qui sont tout de même parfois, honnêtement, sans être méchant, et d'ailleurs ils n'en sont pas responsables, parce qu'ils écrivent, ils chantent des chansons qu'on leur file, des textes absolument affligeants. Enfin, ça alors, c'est... Il y a des coups où moi je voudrais leur mettre un slip sur la tête et une plume dans le cul et qu'ils s'en aillent. Parce que c'est honteux. Mais il y en a là-dedans qui ont beaucoup de talent. Ça, je n'en disconviens pas. Mais c'est un genre qui est tout de même... C'est Aznavour qui l'a dit d'ailleurs, ça, et puis c'est assez vrai. Ça remplace l'accordéon musette. Avec, c'est le même genre de parole d'ailleurs. Poum poum poum poum, papa, la belle chanson que chantait grand-papa. Eh ben, c'est des trucs comme ça qu'on a transposés. Et puis, ben alors là, tout le monde fout le camp dans ces chansons-là. Je sais pas si vous avez remarqué, tout le monde part tout le temps, ils sanglotent tous. Et alors, ils téléphonent. C'est incroyable. On dirait qu'ils ont tous travaillé au PTT pendant 10 ans, les mecs. Tout le monde, tous passent au téléphone et il y en a un qui sonne, l'autre va pas sonner, revient pas. Enfin, moi, je comprends pas grand-chose. C'est tout de même d'une puérilité qui m'inquiète un tout petit peu. Quoi. Allons, mademoiselle, maillot 38 ans. J'ai votre numéro qui chante dans ma tête. Je viens de me le procurer par quel moyen, c'est un secret. J'aimerais ce soir. C'était les années 60, aujourd'hui 1964. Première émission. Documentation INA, Véronique Jolivet, Amélie Briand-Lejeune, Hervé Evano. Mixage Olivier Dupré. Réalisation Annie Douel. Une émission de Philippe Garbi. À suivre. Et d'ici là, à télécharger ainsi que les précédents épisodes de la série sur le site franceculture.fr à la rubrique de l'émission.